Toujours à l'occasion de la Journée du Soleil, la délégation de l'Association des Coréens au Canada, conduite par son président Kim Soo-hee, et la délégation de l'Association des Coréens au Kyrgyzstan pour la réunification, conduite par son président Park Kyung-ho, sont arrivées le 11 à Pyongyang par avion.